Mais cette Reine du Vivant, c'est peut-être l'un de ceux qui est le moins connu, dont on a identifié, répertorié le moins d'espèces, et pourtant l'un des plus vastes. Le règne fongique, les mycètes, les champignons en langage vernaculaire, est un règne considérable dont nous ne connaissons pour la plupart que la partie émergée, les carpophores, ces organes reproducteurs extérieurs, au pied des arbres qui dissimulent dans le sous-sol d'immenses réseaux micellaires, dont une large partie est dissimulée à l'intérieur même des racines des plantes avec lesquelles ils vivent en symbiose. C'est dans une balade en profondeur dans les sous-bois à laquelle nous vous invitons dans l'heure qui vient. Champignons, il va y avoir des sports. C'est le programme champêtre qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, le titre était un peu discutable, ça nous arrive parfois, c'est le début de semaine. En attendant, si vous êtes sage et si vous suivez l'émission bien jusqu'au bout, nos deux invités, mon premier hors antenne, de vous révéler leur coin à champignons secrets, ce qui va, j'essaye de teaser un peu cette émission, ce qui va vous intéresser d'autant plus si je vous dis d'ores et déjà qu'ils sont l'un et l'autre spécialistes de la truffe. Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Université de Gdansk et de Kunming. Vous êtes auteur de « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». C'est aux éditions Actes Sud. Et bonjour Francis Martin. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'excellence arbre dans l'unité interaction arbre-micro-organisme de l'INRA à Nancy et auteur de « Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés », c'est aux éditions Humaine Science. Voilà, vous pouvez comme d'habitude suivre l'émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr et en podcast sur votre application favorite, mais comme à chaque fois, bien sur Twitter en complément, hein, où nous postons tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers des articles, vers des illustrations qui vont permettre de compléter l'écoute de cette émission. Et pour commencer, bien comme d'habitude, nous sommes allés faire un tour dans la boîte à archives importante de Radio France et nous n'avons pas résisté à vous faire écouter celle-ci. Elle date de décembre 1977, dans les après-midi de France Culture. Chut, attends un peu. Tu me mords pas. Allez, mais tais-toi. Alors, ça va pas. Voilà, elle est belle, celle-là. T'es. Allez, viens. Allez, viens. Allez. À une autre, viens. Allez. Il a droit à des granulés, lui. Ah oui, il a droit à des granulés. C'est la récompense. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Allez. Eh, hey, dis donc, qu'est-ce que tu fais, là? Eh, hey, faudrait pas toute la manger, quand même. Tiens. Mais il me l'a bouffé. Non, pas toute. Voilà, il m'en a mangé à moitié presque, cette fois-ci. Ça doit être... Voilà, je vais vous laisser réagir à cette archive. On est manifestement, si on en reconnaît l'accent, bien dans le Périgord, Francis Martin. On n'utilise plus la truie pour récolter les truffes. Elles ont tendance à dévorer ces truffes. Il vaut mieux utiliser un chien. Ah oui, c'est des chiens truffiers. Imaginons en plus, imaginez, vous êtes caveur, c'est-à-dire ramasseur de truffes, vous levez à 5h du matin, à l'aube, vous mettez une truie dans le coffre de votre voiture, c'est pas très discret. Vous risquez d'avoir tous les voisins qui vous suivent et de découvrir vos coins à truffes. Donc un chien, pas de doute, c'est plus simple, plus facile à emporter dans les truffières. Marc-André Sellos. Oui, parce qu'effectivement, si j'ose dire, le but de la truffe, en tout cas cet arôme qu'elle déploie, c'est pour se rendre intéressante à un certain nombre d'animaux qui vont la consommer. Hein, c'est pas innocent, elle est dissimulée dans le sol, mais les spores qu'elle contient, les petites propagules unicellulaires qui vont permettre de disperser la descendance de la truffe, sont dans cette partie charnue là. Et alors, finalement, c'est le fait d'être mangé, le fait d'attirer un certain nombre de petits rongeurs, même certains insectes, qui vont manger la truffe et disperser les spores dans leurs fesses. Je dis parfois à mes étudiants qu'une truffe, une spore de truffe dans la merde est une spore heureuse. Bon, c'est ça, attirer les disperseurs pour aller germer un peu plus loin et propager l'histoire. On reparlera tout à l'heure plus avant de ces truffes, puisque l'un et l'autre, vous avez travaillé sur ce taxon en particulier, tuber, à sporophore souterrain, c'est l'appellation scientifique. Ce qui est intéressant, en préparant cette émission, c'est de voir que c'est la chute vertigineuse de la production truffière en France. Hein. On est passé, je parle sous votre contrôle, de 700 tonnes par an à la fin du 19e siècle à moins de 500 tonnes. Aujourd'hui, c'est la conséquence directe de quoi ? Des pratiques d'agriculture extensive, Francis Martin ? C'est le résultat de beaucoup de facteurs. probablement le facteur principal. Mais il y a un débat actuellement dans ce domaine-là. Donc, plusieurs auteurs évoquent l'effet du changement climatique, la multiplication des sécheresses. Évidemment, comme tous les champignons, la truffe a besoin d'eau pour pousser. Mais en réalité, les analyses un peu sophistiquées qui sont conduites à la fois dans l'équipe de Marc-André et Aline Rannancy montrent que c'est souvent des modifications de l'agriculture. Le fait que le pastoralisme a été abandonné, la forêt, le maquis commence à recoloniser les anciennes truffières et on voit disparaître la truffe en grande partie, c'est pour cette raison, changement de mode de culture. N'oublions pas que la Première Guerre mondiale a eu un effet catastrophique sur les jeunes générations, donc les trufficulteurs, enfin les ramasseurs de truffes ont disparu, les coins ont été perdus. Donc voilà, c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs, mais je dirais essentiellement sociaux, et puis climatiques peut-être dans un second temps, et là on a une querelle assez chaude, assez forte avec nos collègues suisses sur cet aspect-là. C'est vrai que le paysage a beaucoup changé avec la déprise agricole et les forêts se sont refermées. Pour nous, dans nos travaux de recherche, quelque chose qui a été très frappant, c'est un travail qu'on avait commencé pour voir les effets de la coupe à blanc de parcelles de chênes autour de Montpellier. Et on regardait l'effet sur la diversité de champignons du sol. Et notre surprise, ça a été de voir, effectivement, ça on s'y attendait, disparaître les champignons ordinaires de la forêt lors de la coupe à blanc. Mais lorsque les souches commencent à refaire des pousses, on voit revenir des champignons parmi lesquels, effectivement, on voit revenir des truffes. Non seulement la truffe comestible, la truffe du Périgord, mais d'autres truffes également. Ce sont un peu des pionniers. Et ces écosystèmes perturbés par le pâturage, par la coupe du bois, ont vraiment disparu. Et quelque part, c'est marrant parce qu'il y a des relations doubles entre le paysage et la truffe. D'une part, effectivement, elle s'implante dans des paysages perturbés, pâturés, où l'homme est très présent, et il y en a de moins en moins. Mais d'un autre côté, la truffe, elle permet aussi de l'aménagement local. La truffe, elle entretient de l'activité là où on ferait rien d'autre. La truffe, elle entretient des paysages de truffières, là où on n'aurait que de la forêt continue. Sinon, c'est marrant de voir comment ce champignon est résultat du paysage et structurant du paysage. Et on va y revenir tout à l'heure, on en discutera, puisque vous avez, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées, notamment sur le génome de la truffe. Mais avant ça, on va refaire un petit tour de champignonnière. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des mycètes, du règne des fungi. Alors je ne sais pas très bien comment on peut le dire, peut-être Marc-André Sellos, François Martin, un mot pour commencer. Champignon, c'est un nom vernaculaire qui vient de campignolus, c'est-à-dire de la campagne, c'est le produit de la campagne, mais ça ne correspond plus aujourd'hui véritablement à ce règne, à ce grand taxon qui est le règne des mycètes. On continue là à les appeler champignons en français, mais les Anglais, c'est vrai, utilisent plutôt le terme de fongi. Mycète, mycota, un royaume à part des animaux et des végétaux. Mais c'est certain que la plupart des auditeurs, pour eux, champignons, c'est la fructification qu'ils vont aller ramasser à l'automne dans les bois. Et en fait, c'est la partie immergée d'un énorme réseau mycélien, d'un tapis mycélien qui couvre plusieurs centaines de mètres carrés sous la forêt. Quel est le point commun à ce vaste règne qui est le règne des mycètes, Marc-André Sellos? Je dirais que le premier point commun, c'est qu'il est, je crois que c'est le majeur, s'il est étudié par des mycologues. C'est les mêmes personnes qui l'étudient. Mais qui ne sont pas des botanistes. Hein. Ce sont deux. Ils ont été proches des botanistes, mais c'est vrai que maintenant, effectivement, c'est une spécialité à part entière. Hein. Et en réalité, quand on a commencé à regarder sur la base de l'ADN, quelles étaient les parentés évolutives entre les choses qu'on appelait les champignons, on s'est aperçu qu'il y avait une partie des champignons qui n'étaient pas ensemble avec les autres. Hein. Certains sont proches des algues brunes, d'autres sont proches de groupes d'amis. Bon, enfin, il y a plusieurs groupes qu'on recoupe sous le nom de champignons, mais l'essentiel des espèces, le plus grand nombre, hein, c'est en fait un groupe frère des animaux. C'est-à-dire qu'ils sont plus près, généalogiquement, hein, dans la généalogie du vivant, dans ce qu'on appelle techniquement la phylogénie du vivant, ils sont plus proches des animaux qu'ils ne sont des végétaux. Comment ça? De quelle manière? Ils le sont par la parenté. Alors après, il y a quelques ressemblances dissimulées, mais là, ça commence. L'ancêtre commun, il a 1 milliard, 1,5 milliard d'années. Francis en sait peut-être un peu plus. Mais les similitudes, c'est l'utilisation de la chitine, par exemple, pour faire l'emballage cellulaire des champignons ou certaines assises extracellulaires des insectes, par exemple. Comme les crustacés, voilà, comme les insectes, comme les crustacés. C'est la carapace des insectes. La présence de la chitine est vraiment un caractère fort. Fort. La mélanine aussi. Que nous utilisons pour nous protéger du soleil et qu'eux utilisent pour durcir certaines parois, comme par exemple la paroi externe de la truffe qui est toute noire et qui est durcie de mélanine. Mais ces ressemblances biochimiques, la divergence est si anciennes, oui, qui n'ont plus grand-chose à par voir. Par contre, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, oui. Des organismes hétérotrophes qui dépendent des autres ou de la matière organique morte ou vivante pour s'approvisionner en carbone. Donc l'absence de chlorophylle, l'absence de la machinerie, des nanomachines chloroplastiques qui permettent la transformation du gaz carbonique en sucre, là, les champignons sont complètement dépourvus. Donc ils vont, comme les animaux, dépendre de matière carbonée pour leur nourriture. Et puis nous, alors on l'a dit, hein, quand on pense champignons, on pense alors on dit sporophore, carpophore, c'est la même chose. On peut aussi dire fructification. On dit fructification, voilà. En français, après, entre scientifiques, est-ce qu'on parle souvent de sporophore et de carpophore? Peut-être carpophore plus que sporophore, le porteur des spores. Mais c'est vraiment la fructification. Dans notre langage, y compris scientifique, c'est fructification. Absolument. Très bien. Alors, le fruit de... Voilà. La fructification, donc, c'est ce qu'on ramasse, ce que vous dites, mais finalement, les mycètes, l'essentiel, c'est ce qui est sous la terre, c'est le mycélium, et qui représente une part gigantesque de la biomasse. Les filaments microscopiques qui forment le mycélium, donc un diamètre d'une dizaine de microns, 10 à 15 microns, qui se divise comme qui optimise l'exploration du territoire et l'exploration du substrat et qui va former une structure ramifiée, un petit peu fractale, qui permet d'occuper le moindre centimètre carré du substrat va être colonisé de façon à permettre l'absorption. Ce sont les organismes qui absorbent les nutriments. Ils sont directement assis, comme des estomacs, assis sur leur substrat. Mmh. Et ça représente, je le disais, une masse considérable, une part considérable de la biomasse des quelques premiers mètres du sol. Ça peut représenter l'essentiel de la biomasse microbienne qu'il y a dans les sols. Ça dépend un peu des sols. Hein. Il y a les sols à bactéries, c'est les sols d'ailleurs qui sentent la terre. Et puis il y a les sols à champignons, et ceux-là, quand on les sent, c'est notamment les sols de forêt, c'est des sols qui sentent les champignons. On peut peut-être d'ailleurs dire un mot de cette odeur de champignons. Hein. C'est la géosmine, qui est un composé qu'on dit traumatique, qui est c'est-à-dire qui produit par les cellules quand elles sont brisées. Et quand vous coupez votre champignon de Paris ou quand vous écrasez un peu de terre qui est bourrée de champignons, vous broyez des cellules et vous faites sortir ce composé qui est l'octénol. Excusez-moi, j'ai loupé ma... Pas de problème. Et l'octénol, il est bien connu des industriels, parce que quand on vous fait une sauce aux champignons, on met des petits morceaux de champignons qui n'ont aucun goût dedans et on vous rajoute de l'octénol en bonne dose. Donc effectivement, ça peut représenter, selon les sols, de 1% à 99% de la biomasse microbienne des sols. Et plutôt sur les 10 premiers centimètres. C'est ça, les 10 pas premiers tellement centimètres. Le premier mètre. Moi, je pense que dans la plupart des sols de forêt tempérée, tels qu'on les connaît ici, la forêt de Fontainebleau, on parle pas de la forêt boréale, mais c'est vraiment un tapis de mycélium, de filaments microscopiques, qui va occuper les 10 à 15 premiers centimètres du sol, qui va coloniser les feuilles mortes, qui va coloniser les brindilles, qui va coloniser l'horizon organique. Et éventuellement, on le verra plus tard, je pense, interagir avec les racines. En fait, c'est là où arrive la nourriture. Hein, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont besoin d'apports de nourriture extérieure. Et effectivement, l'essentiel de la nourriture arrive, j'allais dire, du ciel. Et d'ailleurs, à ce titre, parmi les anecdotes, et on va en entendre un certain nombre tout au long de cette heure, le plus gros organisme vivant au monde est un champignon. C'est pas du tout la belle... L'armillaire couleur de miel, une des espèces d'armillaire. Qui effectivement a été découverte dans la forêt de Malheur dans l'Oregon. Enfin, en tout cas, un des individus les plus grands a été découvert dans cette forêt, sur la côte pacifique américaine, où il y avait énormément d'arbres qui dépérissaient. Et les forestiers américains ont fait appel à des pathologistes, et les pathologistes ont découvert que d'arbre mort en arbre mort, de souche en souche, ils repéraient des structures noirâtres. En fait, c'était des filaments microscopiques qui s'agrégeaient pour former des tubulures, comme des câbles, comme des lacets de chaussures, qui, en fait, étaient l'organe d'exploration de ce champignon. Donc là aussi, ce champignon, il couvre de 5 à 10 kilomètres carrés, depuis probablement 2000 ans. Il pousse année après année de 50 cm, il agrandit sa colonie. Et régulièrement, chaque automne, si les sources de nutriments, de nourriture sont suffisantes, à ce moment-là, il va émettre les fructifications qu'on va repérer sur les souches. Et c'est ce champignon qui est à la fois un parasite de faiblesse des arbres et qui va être capable également de décomposer la matière morte, la matière, le bois de ces arbres abattus. Il s'agit d'un seul individu. Alors oui, justement, là il y a eu des typages génétiques qui ont été réalisés et qui ont montré que génétiquement, c'était avec les méthodes proches de celles de la police scientifique, techniquement ce qu'on appelle les microsatellites, et qui montrent que c'est bien le même individu. Et on arrive à des estimations de biomasse en regardant quelle est la masse qu'il y a dans un gramme de sol et en extrapolant aux 9 km², on arrive à 600 tonnes, ça fait 4-5 baleines franches, donc les plus grosses baleines, les plus gros animaux existants, ça fait 3-4 des plus gros dinosaures. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, parce que ça nous ouvre une fenêtre sur le monde microbien intéressante, qui est que les parties sont microscopiques. Mais la somme des parties peut être énorme. Et un autre cas où on voit l'énormité, mais alors là on la voit vraiment, c'est quand on a un rond de sorcière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces cercles de champignons dans une prairie. Hein. Bah, en général, tous les petits champignons qui poussent, tous les carpophores justement qui poussent sur le rond, sont génétiquement identiques. Et dessous, il y a un mycélium qui grandit vers l'extérieur en dévorant de la matière organique. Vers l'intérieur, il meurt parce qu'il a mangé tout ce qu'il avait à manger. Donc, le mycélium en question est présent sur un cercle. Et vous voyez que ce cercle peut faire jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Il grandit de, selon les cas, 0,1 à 0,5 mètres par an. Donc ça, des deux côtés, ça veut dire que quand vous avez un truc de 10 mètres de diamètre, il a 5 à 10 ans. Hein. Et donc, ça nous montre des âges, des tailles, qui sont assez étonnants et qui ne sont pas forcément attendus à partir du caractère microscopique de chacune des parties. Et au centre des ronds de sorcières, on peut, les soirs de pleine lune, voir des fées danser. Et si jamais, ça dépend de quel type de champignons vous avez consommé. Je dois travailler trop tard au labo, je n'ai jamais vu. Si jamais des jeunes garçons viennent se promener et rentrent dans le cercle avec les fées, il n'est pas certain qu'ils en ressortent. Donc ça, c'est pour les psilocybines dont on reparlera tout à l'heure. C'est peut-être pour revenir, si je peux poursuivre sur ce que disait Marc-André, ce qui nous fascine surtout, c'est que effectivement on a des champignons comme l'armillaire qui manifestement sont millénaires, c'est-à-dire qu'ils ont privilégié la croissance végétative, colonale, ils se divisent année après année pendant des siècles, voire des millénaires. Et il y a d'autres champignons comme les laquaires, on a travaillé ensemble avec Marc-André il y a plusieurs années sur les laquaires, des petits champignons qui forment des fructifications parfois pourpre, violette, comme le logo de France Culture. Et ces champignons-là, souvent, on a une fructification pour un individu qui fait quelques centimètres carrés. Et chaque année, quand on va revenir sur le site de récolte, ce sont plusieurs milliers d'autres individus qui sont venus remplacer la génération précédente. Ceux-là, donc, préfèrent la multiplication végétative, la production de spores. Et on ne sait absolument pas aujourd'hui pourquoi une espèce va privilégier la croissance végétative sur des centaines d'années, voire des millénaires, ou au contraire, une copulation excessive et massive et faire que tous les individus se renouvellent chaque année. On n'a aucune piste. C'est alors sur une double question pour réagir à ce que vient de dire Francis Martin. La première chose, c'est l'état finalement de méconnaissance de ce vaste règne qui est le règne des mycètes. Hein. J'ai lu, alors je parle là aussi sous votre contrôle, entre 5 et 8% des espèces identifiées. On dit parfois 800 000 espèces, ou ça monte jusqu'à 5 millions. Et là, c'est au doigt mouillé, Marc-André Sellos. Oui, c'est au doigt mouillé. Alors voilà, bon, il y a le nombre d'espèces que l'on connaît. Pas très à jour là-dessus, mais je dirais 120, 150 000 espèces décrites. Bon. Et puis, il y a le nombre d'espèces non décrites. Alors, comment l'approcher? Bon, ben, au début, on l'approchait pas. Et puis, récemment, on a eu des méthodes basées sur l'ADN qui consistent à prendre un échantillon de sol, un échantillon de plantes, et à regarder quels champignons sont dedans en étudiant les ADN qui sont présents et qui portent des signatures, qui nous indiquent que, ben voilà, là, il y a du bolet, là, il y a du cèpe, là, il y a un truc inconnu qui est proche d'une amanite, là, il y a un truc complètement inconnu, mais qui est sans doute proche de tel groupe. Et avec ces approches, on s'est aperçu qu'en fait, ce que l'on en connaissait, c'était une toute petite fraction. Mais alors, quel était le nombre? Une première approche dans les années 90 a consisté en Angleterre à essayer de regarder à un endroit donné, à plusieurs endroits donnés, quel était le total du nombre de champignons, le total du nombre de plantes et le rapport entre les deux. Et puis de se dire, ben, sur l'ensemble du globe, il y a le même rapport de nombre. Et on est arrivé à 1,5 million d'espèces. Quand on a commencé à étudier l'ADN qui est présent dans les échantillons, là on est arrivé à des estimations, mais vraiment des estimations grossières, de 6 à 10 millions d'espèces. Or, ça veut dire qu'à 1500 espèces décrites par an, c'est ce que font en ce moment les mycologues, ben, il nous reste plus de 4 000 ans de travail avant de faire le tour de ça. Je ne sais même pas si c'est la peine de le faire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, dans parmi les sous-espèces, et c'est là où on va mesurer l'ampleur du problème, il y a des espèces. Alors, on peut peut-être commenter à rentrer un peu dans le détail. Les mycorhiziens, dont des mycorhiziens qu'on dit endogènes ou endomycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils sont en fait à l'intérieur, c'est des champignons qui sont à l'intérieur des racines des plantes, qui vivent en symbiose avec les plantes et dont on ne voit pas forcément de fructification, qui sont qu'on ne peut détecter finalement, comme le disait Marc-André Sellos, qu'en faisant de l'analyse génomique. Si on schématise dans une forêt ou dans une prairie, mais disons on reste en forêt, on continue notre promenade en forêt, je dirais qu'il y a trois grands groupes de champignons. Les décomposeurs, que j'appelle les fossoyeurs de la forêt, qui ont comme mission essentielle de découper, décomposer le bois qui tombe, les brindilles, les feuilles. Donc ils se nourrissent de la matière organique, on les appelle les saprotrophes ou saprophytes. Mm-hmm. Et puis on a l'autre grand groupe qui nous intéresse évidemment au plus haut point, Marc-André et moi-même, ce sont les champignons symbiotiques qui établissent une symbiose pérenne à bénéfice mutuel avec les arbres depuis au moins 180 millions d'années. Et puis, il y a les champignons, les truands, les pathogènes, qui, eux, se nourrissent de la matière vivante après avoir tué leur hôte. Donc, on a ces trois grands groupes de champignons, et ils vont coloniser aussi bien le sol que les racines, que les parties aériennes, en tout cas pour les pathogènes. Mmh. Et effectivement, les mycorhiziens, eux, ont appris à reconnaître les racines. Mycorhiziens, un champignon en racine. Le champignon mycorhizien, voilà, effectivement, mycèse, c'est un organe chimérique constitué de tissu du champignon et de tissu de la plante. Ces champignons mycorhiziens symbiotiques ont appris à reconnaître les plants, leurs partenaires végétales, à dialoguer avec eux, à s'installer dans leur système racinaire, à y développer des structures qui vont modifier la morphologie et l'anatomie de la racine. Et surtout, ils ont appris au niveau moléculaire à maîtriser les défenses de la plante, à contrôler les défenses immunitaires de la plante pour éviter d'être rejetés. Et de ce fait, s'établit sur toutes les racines d'un arbre, probablement 99% des racines d'un arbre adulte ou plus jeune sont mycorhizées, en association avec des dizaines d'espèces différentes de champignons, et pour chaque espèce, des fois des dizaines de génotypes d'individus différents, et s'établit une relation très complexe qu'on est bien loin de comprendre parfaitement. On pense, et je parle une fois de plus sous votre contrôle, que finalement cette symbiose fungi-plante, c'est le point de départ finalement de la vie des plantes sur Terre, c'est-à-dire de la sortie de l'eau des plantes, cette symbiose initiale qui permet un transfert d'énergie et un apport de nutriments. Oui, Francis mentionnait, avec quelques centaines de millions d'années, enfin 1 à 200 millions d'années, ces champignons qui sont associés aux arbres forestiers et qui parfois font des carpophores ou des fructifications visibles à l'œil nu, cèpes, girolles, truffes. Il y a un autre type de mycorhize qui est plus répandu encore parce qu'il se trouve sur à peu près 80% des plantes sur Terre, qui alors, pour le coup, là, l'association est encore plus intime parce qu'on ne voit pas trop le champignon à l'extérieur de la racine. Alors que dans le cas des arbres forestiers, on peut, avec une bonne loupe, voir le champignon quand même à la surface de la racine. Cette association très étroite qui est plus générale, elle, on pense qu'elle est vraiment à l'origine de la flore terrestre. On la trouve dans les plus vieux fossiles bien conservés, qui ont 400 millions d'années, et qui sont si merveilleusement conservés. C'est des précipitants, c'est des plantes qui ont été en quelque sorte pétrifiées par des fontaines pétrifiantes. Et là, on peut faire de la microscopie, on voit très bien les champignons dedans, à 400 millions d'années. Et on pense qu'en fait, si les algues, qui n'ont pas de racines, je vous le rappelle, elles ont tout au plus un crampon, ont été capables de sortir de l'eau, ça veut dire qu'il faut aller chercher l'eau et les sels minéraux dans le sol. Si elles ont été capables d'exploiter le sol, c'est pas parce qu'au départ elles avaient des racines, elles n'en avaient pas évidemment. Les premières plantes terrestres ont été associées à des champignons qui eux allaient faire le travail dans le sol. Donc sans doute la sortie des eaux, des algues, est une histoire. Elles ont dû attendre l'association avec le champignon. Ça résout un paradoxe ancien d'ailleurs. À l'époque où elles sortent des eaux, 450-500 millions d'années, ça fait quand même 500 millions d'années que la Terre est habitable et qu'il n'y a que quelques pauvres croûtes de bactéries, rien d'autre. Hein. Qu'est-ce qui a fait Pourquoi il a fallu attendre 500 millions d'années alors que la Terre est habitable? Il y a déjà une couche d'eau jaune, il y a à manger, il pleut quand même. Eh bien, c'est sans doute qu'il a fallu attendre d'être capable d'exploiter le sol, et ça c'est l'histoire de la symbiose avec des champignons. Et quand on sait ça, ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on a identifié ce mécanisme symbiotique originel, Francis Martin? Une trentaine d'années, une quarantaine d'années, les premiers articles sont sortis, justement après avoir vu les fossiles des plantes de Rhini, où les premières plantes primitives sont parfaitement bien conservées, où on distingue les arbuscules de ces champignons mycorhiziens dans les cellules. Là, les premières ébauches d'hypothèses ont été établies. Et maintenant, les outils de la biologie moléculaire et de la génomique comparative nous permettent de reconstruire, à partir des génomes de plantes actuels, nous permettent de reconstruire cette histoire évolutive et ce scénario. On y reviendra tout à l'heure. On peut, étape par étape, voir comment ces champignons symbiotiques, provenant de champignons saprophytes, saprotrophes, ont évolué, ont acquis un certain nombre de caractères, en ont perdu d'autres qui expliquent leur comportement et leur biologie actuelle. Et on commence à envisager d'un seul coup l'ampleur du service écosystémique qui est rendu par les champignons, par les mycètes. Peut-être un mot, si on va regarder un peu, on va vous mettre là sur le fil Twitter des images de ces champignons mycorhiziens. Donc, qu'on dit ectomycorhiziens quand ils sont autour de la racine et endomycorhiziens quand ils sont à l'intérieur. On connaît exactement comment est-ce que ça fonctionne justement cette symbiose entre ces deux organismes de deux règnes différents. Alors d'abord, on vient d'une époque d'un espèce de Moyen-Âge de la mycorhize où c'était connu, parce que c'est décrit depuis la fin du 19e, mais on avait nié un peu l'importance de ça. Beaucoup d'universitaires français ont étudié les interactions dans l'ouvrage de Raoul Collery, Le parasitisme et la symbiose, où les mycorhizes sont présentées avec une petite note de bas de page en disant que c'est sans doute un parasitisme léger. Bon. Donc il y a eu une sorte de négation. Les Japonais sont les premiers à être sortis de ce Moyen-Âge, et puis après, finalement, dans les années 70-80, on a commencé aussi en Occident à se rendre compte qu'effectivement, les plantes poussaient bien mieux avec des champignons, voire même dans certains sols, elles ne poussent que avec eux. Ça, c'est un truc important. Hein. Il y a des plantes comme les pins qui ne poussent pas sans ces champignons. On en a fait l'expérience en essayant, par exemple, de planter des pins en Afrique pour justement faire du bois pour construire des bateaux, et ça ne prenait pas quand on mettait des graines de pin dans du sol africain. Jusqu'à ce qu'ils aient eu l'idée de ramener le sol, des pépinières d'où venaient les pins des Caraïbes, importés en Afrique, au Kenya, au Congo, etc. Et là, effectivement, on a apporté les jeunes germinations avec leur cortège de champignons symbiotiques, et du coup, ça s'est dispersé très rapidement sur le continent africain. Alors, les raisons de ça, c'est avant tout la nourriture, c'est que les plantes, ça fait pour beaucoup 400 millions d'années qu'elles se nourrissent pas elles-mêmes dans le sol, elles sous-traitent, elles donnent du sucre à des champignons pour qu'ils se développent, et eux vont chercher du potassium, de l'azote, du phosphore, des nutriments un peu plus métalliques ou de moins abondants, de l'eau également, pour eux et pour la plante. Mais, alors on pourra revenir éventuellement sur comment se fait l'interaction nutritionnelle, mais il y a une autre dimension importante, c'est la protection des plantes. C'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la protection des plantes, à la fois directement par la présence du champignon, qui en quelque sorte défend son garde-manger. Tout ce qu'il pourra faire pour protéger la racine, ça protège son garde-manger, puis qui modifie aussi le fonctionnement de la plante. Et là, sur cette dimension, je sais que l'équipe de Francis a fait beaucoup d'avancées majeures. Pour revenir à la dimension, trophique, amélioration de la nutrition de la plante, je donne toujours un chiffre. Pour un mètre de racine, il y a un kilomètre de réseau mycélien. Donc là, faut voir ces symbioses mycorhiziennes et ce réseau qu'on appelle extramatriciel qui explore le sol comme une superbe prothèse que les plantes ont appris à domestiquer finalement à leur profit. Mais en même temps, la dimension même du filament fongique, 10 microns, lui permet, contrairement à la racine, d'aller s'immiscer dans la moindre anfractuosité du sol et d'y pomper les micro-éléments, le phosphate et l'azote, indispensables à la croissance des plantes. N'oublions pas, en particulier en France et en Europe, que les forêts ont été repoussées par l'agriculture dans les zones les plus pauvres, les sols les plus dépourvus d'éléments nutritifs, et sans cet apport d'éléments nutritifs par la symbiose mycorhizienne, les arbres seraient restés chétifs et pousseraient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette dimension trophique, nutritionnelle est fondamentale. C'est quand même le rôle essentiel de cette symbiose. Et comment cette symbiose fonctionne-t-elle? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de champignon pour une espèce d'arbre? Est-ce qu'il y a différents types d'espèces de champignons qui sont autour de plusieurs types de racines? Est-ce qu'il y a des exclusivités? Comment ça se répartit, Marc-André Sellos? La bonne image, c'est la pollinisation. La pollinisation, vous voyez des pollinisateurs d'espèces différentes aller sur différentes espèces de plantes. En règle générale, il n'y a pas trop de spécificités. C'est-à-dire qu'un champignon peut aller sur plusieurs plantes de même espèce ou d'espèces différentes. Et de même, les plantes sont liées à plusieurs champignons. On parlait d'arbres forestiers liés à plusieurs espèces. On a jusqu'à 100, 200 espèces de champignons pour un arbre. Bon. Donc, il y a une sorte de promiscuité. Voilà. Et en fait, lors de l'établissement de la symbiose, ça marche pas toujours. Vous savez, c'est comme dans d'autres domaines, tous les couples ne marchent pas. La mycorhize s'établit, et ce que l'on pense aujourd'hui, sur la base de certaines expériences, c'est qu'en fait, ce confort continue à fonctionner, les couples où les deux trouvent leur bénéfice. Du sucre pour le champignon et des semillons pour la plante. Voilà. Après, il y a quand même quelques champignons plus spécialisés. Oui. Et ça, les ramasseurs de champignons le savent. Le lactaire délicieux, par exemple, oui. Ben, ils vont le chercher sous les pins. Le lactaire des malaises, ou le suidus des malaises, la sous un malaise. Donc, les ramasseurs de champignons, ils ont appris ça. Ils savent que à tel arbre sera associé tel cortège de champignons symbiotiques, de champignons mycorhiziens. On va trouver des chanterelles dans certains types de taillis. On va trouver les ceps sous des pessières d'une trentaine d'années. Donc, il y a quand même tout un ensemble de facteurs qui font que à telle espèce d'arbre, on aura un cortège de champignons favori et préféré. Et il y a quand même, comme tu le disais, un certain nombre d'associations extrêmement strictes. Et en particulier, on a étudié avec nos collègues australiens une association très répandue dans l'hémisphère sud où certains champignons qu'on appelle les pisolites vivent avec les eucalyptus. Donc, un groupe d'arbres extrêmement répandu dans l'hémisphère sud, on s'est aperçu que les pisolites interagissant, en symbiose avec les eucalyptus, étaient très différents des pisolites qui vivaient avec les pins dans l'hémisphère nord. Et on est en train de décortiquer ces mécanismes de spécificité d'hôtes, et on s'aperçoit que ça peut reposer sur quelques petites protéines sécrétées par l'un ou l'autre des deux champignons, le pisolite associé aux eucalyptus ou le pisolite associé aux pins. Et ils n'ont pas le même nombre de clés. Ils n'ont pas des clés exactement identiques pour rentrer dans la racine de la plante hôte. Et là, on commence à décortiquer au niveau moléculaire ces mécanismes qui pourraient expliquer cette préférence, cette spécificité d'hôte. Et quels seraient-ils ces mécanismes ? Des petites protéines que le champignon peut sécréter dans le milieu extérieur, petites protéines qui, de dimension de l'ordre de une centaine d'acides aminés, qui sont capables de pénétrer dans les cellules de la plante hôte. Donc, ces molécules diffusibles quittent le champignon, rentrent dans la cellule de la plante hôte, rentrent dans le noyau des cellules de la plante hôte et vont s'accrocher à un certain nombre de régulateurs moléculaires, d'interrupteurs moléculaires qui vont contrôler les mécanismes de développement et surtout les mécanismes de défense. Quand le champignon possède la bonne clé, il va être capable de neutraliser des défenses de la plante et contrôler son système immunitaire et ainsi éviter le rejet par la plante d'un champignon qui serait pas adéquat, qui serait pas l'un des favoris, qui serait expulsé dès la pénétration de la racine. Autre chose que les ramasseurs de champignons savent bien, c'est qu'il y a aussi une variabilité en fonction de l'âge de la plante ou de l'âge de l'arbre. On trouvera plus facilement, par exemple, je crois, des bolets jaunes, des truffes au pied de jeunes arbres et des cortinaires ou des russules au pied de vieux arbres. Oui, alors ça, c'est aussi une chose à laquelle on s'est beaucoup intéressé dans mon équipe et aussi avec Francis, on avait fait des travaux là-dessus, c'est comprendre comment les cortèges s'assemblent. Ça, c'est une grande question de l'écologie, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a ce groupe d'espèces à tel endroit? Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, après une perturbation qui peut paraître, par exemple, être le moment où on a coupé la forêt, on l'a replantée, mais aussi un ouragan, il y a d'abord des champignons qui se propagent bien, qui arrivent en premier. Et ils occupent le terrain, mais eux, pour se propager bien, ils font beaucoup de sport, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sporulent beaucoup. Ça leur permet d'être partout quand il y a une place disponible. Le problème, c'est que souvent, ils investissent moins dans la croissance. Et quand arrivent plus lentement, plus mollement, parce qu'eux, ils font moins de sport, mais quand arrivent des choses qui sont plus compétitives sur place parce qu'elles font plus de filaments, elles commencent à s'installer et à les remplacer. Et on passe à des espèces qui, dans les peuplements âgés, ne sont plus des espèces qui se propagent tellement par la fabrication de spores, mais simplement en poussant dans le sol pour rencontrer de nouvelles racines. Il y en a beaucoup plus dans un peuplement âgé. Et c'est une chose qu'ont observé les gens qui ramassent des champignons, c'est que souvent, même de façon globale, toutes espèces comprises, on en a quand même plus dans des peuplements jeunes que dans des espèces, ces belles cathédrales là où tous les arbres ont 150-200 ans et où en dessous, il y a pas grand-chose, parce qu'en fait, la reproduction, là, c'est juste de passer à la racine voisine. C'est pas de faire des spores pour passer à un arbre qui serait un peu plus loin, parce que le peuplement est encore peu dense. Alors, les propriétés du champignon jouent beaucoup, mais il faut pas oublier que la physiologie de l'arbre change aussi énormément entre le métabolisme des sucres d'une jeune plantule et le métabolisme des sucres d'un arbre adulte. Il y a des différences énormes qui pourraient expliquer en partie pourquoi le cortège de champignons évolue avec l'âge. Out. Savoy Truffle des Beatles sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de champignons du règne des mycètes. Nous en parlons avec Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'Université de Gdansk de Kunming, et avec Francis Martin, qui est directeur du laboratoire d'excellence arbre dans l'unité interaction arbre-micro-organisme de l'INRA à Nancy. Alors, nous sommes allés dans un qui est, au fil de cette émission, dans cette troisième saison, peut-être l'un de nos endroits préférés au monde. Avouez-le, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Collection du Muséum National d'Histoire Naturelle, on aime toujours y retourner, c'est absolument, vrai. Absolument, absolument, c'est un peu la maison. C'est ça. Et comme bien les botanistes ont leur herbier, les mycologues ont donc leur fungarium. Oui, et c'est Bart Buick qui est mycologue et chargé de cette conservation, de la conservation de cette collection de plus de 700 000 spécimens de champignons qui m'a reçu au fungarium donc du Muséum. Cette collection, elle est assez fantastique et comme pour l'herbier du Muséum, on a l'impression en entrant dans ce fungarium d'entrer dans un lieu de conservation privilégié, un peu coupé du temps. Bart Buick nous explique donc les enjeux de conservation et de classement de tous ces champignons présents au fungarium, ainsi que la fonction scientifique de cette collection. Alors là, on se trouve au quatrième étage, sous le toit du grand bâtiment de botanique. Les champignons se trouvent toujours dans le bâtiment de botanique parce que traditionnellement, la mycologie faisait partie de la botanique. Ces armoires-là, moi je les visite beaucoup, il y a beaucoup de mes collections du monde entier qui sont rangées là-dedans. Mais en plus, il y a aussi tout le monde qui est microscopique qu'on ne voit pas. Il y a donc tous les moisissures, en guillemets, il y a les champignons aquatiques, il y a les myxomycètes qui ne sont plus rangés dans les champignons depuis les résultats moléculaires ont démontré que ça fait pas partie vraiment des champignons mais des protistes, mais comme c'était toujours des mycologues qui les ont étudiés, ça reste une partie de la mycologie. Puis il y a aussi beaucoup de parasites, c'est les champignons qui poussent sur les plantes en fait. Donc là aussi, il y a toute une collection. Bah, je pense à peu près ça. Et puis, il y a la diversité, l'autre diversité qu'on a surtout à Paris, c'est que, à Paris, on a bénéficié de beaucoup de collections qui datent même du 18e siècle déjà, mais surtout du 19e pour ce qui est la mycologie. Donc, on a de très anciennes collections qui sont d'une importance mondiale énorme, de par le fait qu'ils contiennent beaucoup d'espèces qui ont été décrites pour la première fois et qui sont dans ces herbiers-là. Alors là, je suis un petit peu comme un enfant quand même. J'ai quand même envie d'aller fouiller dans les cartons et de me rendre compte de ce qu'il y a ici. Est-ce que vous pourriez me montrer, voilà, je sais pas, parmi les espèces, en tout cas, que vous connaissez bien. Il y a des petits panneaux sur tous les compactus, sur les façades, qui expliquent un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on a, par exemple, ici, l'herbier Roger M, qui était un grand mycologue français, qui était à une certaine époque directeur du muséum, et qui a fait beaucoup pour la mycologie et pour... faire en sorte que la mycologie soit connue aussi par un plus grand public. Alors, Haim, il est aussi connu pour ses études sur les champignons hallucinogènes, parce qu'il était avec un anthropologiste très connu qui était le Dr. Watson. Et ensemble, ils ont été les premiers à aller, par exemple, au Mexique et ailleurs dans le monde où on pratiquait des chamanes. Voilà, par exemple. Donc, où ces champignons avaient une place dans la culture traditionnelle de ces pays. Et donc, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, tout ce qui est relatif à ces premières études qui datent déjà de bientôt un siècle, on les a ici. Alors là, donc, du coup, on est face à des colonnes avec des cartons dedans, et notamment donc, des colonnes dédiées au Mexique, avec là de quoi justement partir un petit peu loin dans les sphères spirituelles. Et... Oui, mais il y a pas mal de gens qui s'intéressent aujourd'hui aux psilocybes, et surtout aux substances qu'on trouve dans ou qui ont été isolées depuis les tissus des psilocybes, parce que c'est surtout la médecine qui a un intérêt de plus en plus important et croissant dans ces champignons-là, parce qu'apparemment, ils ont des effets bénéfiques. Par exemple, pour certains gens qui ont des cancers, ou certains gens, c'est pas que ça guérit, mais les gens ont beaucoup plus de facilité à supporter la maladie, se portent mieux, etc. Donc ici, on a donc tous les psilocybes qui ont été étudiés par Haim, Ça se trouve dans des boîtes. Ces sachets-là contiennent des psilocybes qui ont été obtenus en culture, mais c'est des psilocybes qui viennent du Mexique et qui ont été mis en culture au muséum afin de décrire les espèces, de connaître et d'étudier les caractéristiques morphologiques et puis aussi les caractéristiques de culture physiologique de ces espèces. Et puis on passe un peu plus loin. Alors je vais vous montrer dans les régions... collection beaucoup plus récente, par exemple. Alors ça, c'est votre collection, puisque c'est l'herbier. Oui, moi j'ai récolté donc pendant ma carrière des milliers de, surtout de gros champignons. Alors vous allez voir tout de suite. Voilà. Et ça sent le champignon. Ah, ça sent le champignon vraiment, oui. Donc moi, par exemple, je préfère récolter et conserver mes récoltes dans des sachets plastiques. Ça a l'avantage qu'on voit le champignon à travers. Et donc, ça, c'est des récoltes qui ont été classées par numéro, comme je les ai ramenées de là-bas. Ces échantillons sont étudiés, pas seulement par moi, mais aussi je les envoie à des collègues qui sont spécialistes dans d'autres groupes que moi. Et donc, comme ça, graduellement, ces espèces qui, au début, n'ont pas de nom quand on est sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne connaît que 1 ou 2% de toutes les espèces de champignons sur cette planète. Donc, ça veut dire que quand moi, je suis sur le terrain, contrairement à un botaniste qui devrait pouvoir mettre un nom sur 8, si ce n'est pas 9 plantes sur 10 qu'il voit dans la forêt ou dans la nature... moi, en général, tout ce que je ramasse, je n'ai pas de nom. Je peux parfois dire, ça doit être ce genre-là, une russule, une chanterelle, une amanite ou un bolet. Mais par contre, les espèces elles-mêmes, elles sont en général indécrites, non décrites, quand on sort de l'Europe, même quand on sort de l'Europe de l'Ouest. Alors bon, là, on va revenir un petit peu justement dans ces travées où on se trouve en ce moment. On est entouré de cartons et l'importance justement de cette collection pour les autres scientifiques. Je voudrais savoir un petit peu pourquoi et finalement ils s'intéressent aux champignons. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans les espèces de champignons qui sont présentes ici au muséum? D'abord comprendre ce qu'on a chez lui. Il faut dire qu'on a donc une énorme collection au niveau mondial. On a des champignons, comme je vous ai dit, on a Nouvelle-Calédonie en face de nous, on a Madagascar, on a Mayotte. C'est le seul herbier au monde où on a vraiment des collections très importantes de ces trois endroits du monde. Mais on a aussi des très vieilles collections d'Europe, même les États-Unis, l'Asie. Donc les gens qui étudient les champignons chez eux, ils ont besoin d'abord de savoir ce qui a déjà été décrit. Avec les nouvelles techniques aussi, les spécimens qui sont ici sont très souvent des spécimens de référence. Alors avec les nouvelles techniques, on aimerait aussi avoir ces données modernes, c'est-à-dire ces séquences ADN, sur le matériel original qui a servi à la description. Donc très souvent, ils viennent ici pour demander d'emprunter des collections afin de pouvoir les séquencer et comparer avec ce qu'ils ont et pouvoir mettre un nom correct sur les récoltes sur les autres continents ou dans les autres pays. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, bon, pour ce qui est comestible, par exemple, le service des fraudes à Rungis, il veut des noms très précis à mettre sur des champignons qui sont présentés ou proposés à la vente en Paris. Donc, pour avoir un nom précis, il faut avoir des références, il faut savoir à quoi correspond exactement telle espèce qui est sur les... Voilà. Et donc, oui, de nouveau, on vient voir les champignons ici afin de les étudier, comparer avec ce qui est vendu et pouvoir dire, ah oui, ça c'est la même chose, ça, ça passe. Et puis, ah non, ça c'est pas ça du tout. Donc, hop, dehors. Et après, c'est eux qui appliquent en fait les règles que nous, on va donc proposer. Alors, vous êtes combien là pour vous occuper de cette collection et voilà, comment au quotidien vous vivez dans ces travées-là? Pour le règne des champignons, je suis le seul. Le seul et l'unique. Oui. Pour toutes ces. Ah oui. Donc ça vous dit déjà assez sur le fait que c'est impossible de tout faire quand on est seul pour une telle collection, quoi. Oui. Voilà cette plongée dans la collection de champignons du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui est pas très loin de votre bureau, je crois, Marc-André Sellos. Oui, et je confirme que Bart, dans notre équipe, est le seul à s'occuper de l'herbier. On n'a pas d'autres effectifs. Et c'est bien malheureux, parce que quand vous avez entendu le nombre d'espèces tout à l'heure, on disait qu'on était entre 5 et 10, 30 millions. On ne sait pas en fait exactement où on en est. Mais en réalité, je pense que nous sommes dans une biologie infantile. C'est-à-dire que nous nous sommes focalisés sur ce que nous voyons, les animaux, les plantes. Nous avons bâti notre biologie là-dessus. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup plus à apprendre en nous focalisant sur d'autres organismes, notamment microbiens, notamment les champignons. Et je trouve parfois que l'effort de recherche n'est pas à la hauteur de la nouveauté qu'on peut espérer de chaque euro qu'on mettrait dans une recherche sur une plante donc le risque de reparcourir des lignes déjà parcourues, ou sur des champignons, parcourir des lignes dont Barthes indiquait bien, notamment en termes de diversité biochimique, de diversité évolutive, qu'elles sont infinies et potentiellement utiles pour la médecine. Francis Martin. Un aspect que Barthes Buick a évoqué, et à mon avis qui mérite d'être souligné, c'est que notre façon d'étudier les champignons a considérablement évolué ces dernières années grâce à l'apport des outils moléculaires. On dispose aujourd'hui de techniques liées au séquençage, à la fois de fragments polymorphes qui nous renseignent sur l'espèce, des marqueurs, des codes-barres spécifiques de chacune des espèces, et on le verra peut-être tout à l'heure sur les génomes. En tout cas, ces nouvelles techniques nous permettent d'identifier les espèces, de dénombrer ces espèces, de mieux connaître leur démographie et du coup l'impact de l'aménagement sylvicole par exemple, du changement climatique ou de toute action de l'homme sur les écosystèmes. On peut mesurer maintenant avec une grande précision l'évolution des populations de champignons qui restent invisibles. Je ne parle pas là des champignons qu'on récolte, des carpophores, mais tout ce monde, ces millions d'espèces qu'on ne détecte que par le biais des séquences d'ADN. Et ça finalement, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que ces outils sont développés de façon routinière. C'est d'autant plus que, alors, on sait, et on en a beaucoup parlé à ce micro, hein, le sous-financement de la recherche fondamentale, on sait que pour trouver des financements, il faut souvent des applications, et en l'occurrence, quand on s'intéresse à ce que produit en termes de publication aujourd'hui la mycologie, des applications, il y en a en médecine, il y en a en écologie, puisqu'on parlait tout à l'heure justement de ces sols appauvris, dont on se rend compte aujourd'hui que l'agroforesterie, que les implants micellaires dans des sols permettent de les recarboner, de les redynamiser. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement, bon, on peut parler des antibiotiques qui sont en grande partie issus de la culture micellaire, Marc-André Sellos? Alors effectivement, il y a des applications économiques potentielles, elles ne sont pas forcément immédiatement au bout des doigts, mais on parlait de truffes au début de l'émission et typiquement aujourd'hui on sait que la trufficulture, ce n'est pas une science exacte, hein. c'est pas parce que vous plantez un chêne qui a été inoculé en pépinière avec la truffe que ça va donner. Et dans mon équipe, on a eu l'occasion de découvrir que les truffes étaient non seulement associées aux racines des arbres, mais qu'elles colonisaient aussi de façon diffuse les plantes herbacées qui poussent sous les arbres. Alors que c'était une partie de la niche écologique qui n'avait pas été envisagée d'abord. Bonne information qui peut permettre demain de gérer la couche herbacée pour avoir plus de truffes, ou information inutile, on verra. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes très très ignorants, même pour les espèces que nous connaissons, de là où elles vivent, puisqu'on est capable de découvrir que la truffe a une autre écologie. Une écologie plus large que celle qu'on imaginait. Et ça, c'est un peu partout pareil. C'est un continent inexploré. Or, ce continent, il est proche de nous, il est proche de notre alimentation, par exemple. Et là, je pense aussi à des champignons qu'on utilise pour des fermentations alimentaires, comme des fromages, par exemple. On n'a pas parlé de levures, on n'a pas parlé... qui sont des champignons et, aussi. Mais qui sont des enjeux industriels. Et puis aussi, il y a toutes les applications, ça on l'évoquait tout à l'heure, tous ces métabolites secondaires, toutes ces molécules qui sont autant d'opportunités pour la médecine ou pour des aménagements. Donc, et puis, il y a tout ce qui est restauration des sols, avec effectivement, demain, une agriculture qui reposerait moins sur des intrants chimiques que sur l'usage de champignons capables de protéger les plantes et de les nourrir. Francis Martin. Oui, on a en fait, lorsqu'on décide de séquencer le génome d'un champignon, par exemple le génome de la truffe. C'est ce que vous avez fait, il y a une publication dans Nature qui date du mois de novembre dernier. On a sorti le résultat d'un travail collectif de plusieurs dizaines d'équipes européennes et américaines il y a quelques semaines dans une revue Nature, Ecology and Evolution, qui est vraiment la comparaison du génome de plusieurs truffes, la truffe noire du Périgord, la truffe de Bourgogne, la prestigieuse truffe d'Alba. Et on a comparé les génomes de ces truffes à ceux de champignons proches, leurs cousins, qui sont des champignons saprotrophes. Et on l'a fait des pour moris. Les moris, par exemple. Et on l'a fait pour plusieurs raisons, en fait. Quand on séquence son génome, c'est à la fois pour des raisons de connaissances académiques et fondamentales, comment fonctionne le champignon, comment il s'associe à la plante, comment il développe sa fructification. Évidemment, dans le cas de la truffe, ça peut avoir des impacts économiques. Mais c'est aussi pour mieux comprendre l'évolution de ces champignons-là. On sait que les champignons symbiotiques, si ce n'est la totalité, la très grande majorité, dérivent de cousins qui sont d'ancêtres saprotrophes, qui consommaient la matière organique de la litière du sol. Puis à un moment, ils se sont dit, la nature a fait que c'était plus efficace pour eux d'interagir avec la plante et s'approvisionner directement en sucre à partir de la racine. Et puis dans le même temps, quand on a un génome, donc c'est un peu les pièces détachées pour une voiture, hein, on joue le rôle de mécanicien, on a la liste des parties indispensables indispensables au fonctionnement de la truffe. On peut les jouer, manipuler, les assembler pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais en même temps, ces outils moléculaires, comme les génomes, peuvent servir à mettre au point des marqueurs, à mieux connaître les gènes qui contrôlent la sexualité de la truffe. Et on utilise ces marqueurs aujourd'hui pour aller mieux comprendre l'écologie de la truffière. Parce que la truffière, c'est un verger, oui, mais c'est aussi un écosystème. Donc comment la truffe s'installe, comment la truffe se dissémine sur le système racinaire, est-ce qu'il y a d'autres champignons qui peuvent l'exclure par compétition? On évoquait tout à l'heure la physiologie de la plante. Si on taille les arbres, comment ça va impacter la physiologie? Et maintenant, on peut suivre ces mécanismes-là au niveau moléculaire grâce à l'obtention des génomes. Donc finalement, avoir un génome de champignon, alors on parle de la truffe, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres champignons, comme le cèpe de Bordeaux, par exemple, on a avec le même résultat, le même génome, on peut aborder différentes facettes de la recherche appliquée, finalisée ou fondamentale. Ce qui est intéressant et ce qu'on entend dans ce que vous venez de dire, mais dans finalement ce que l'on dit depuis le début de cette heure et de cette émission, c'est ce vaste réseau trophique, souterrain, intriqué, symbiotique, parasitaire parfois, que constituent aujourd'hui les sols, ces premiers centimètres, ces premiers mètres de sol, cette communication qu'il peut y avoir finalement entre les plantes et les champignons, les interactions biochimiques, que tout ça peut nous permettre et peut nous permettre aujourd'hui peut-être de tourner la page en partie, de réduire les intrants, de revitaliser des sols dont on sait qu'aujourd'hui l'appauvrissement est un enjeu en matière de santé publique, d'écologie, de nutrition très très important, Marc-André Sellos. Alors oui, on a trop considéré par le passé, et ce n'est pas qu'une histoire de champignons, c'est aussi une histoire de bactéries, de tout un tas d'autres microbes, que le sol était une espèce d'éponge à bouffe. Et il y a de la bouffe pour les plantes, et il suffit qu'elles mettent leurs racines dedans, et c'est bon, et si on remplit l'éponge, il y en a encore plus. En réalité, les sols sont vivants. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, les écosystèmes terrestres, ce sont les sols. Ce qu'on voit en surface, c'est anecdotique. Quelques plantes, quelques bestioles, c'est pas ça les écosystèmes terrestres. C'est tous ces microbes qui font vivre le sol, et notamment qui interagissent avec les plantes, sa santé, sa nutrition, en lui permettant de s'installer. Et c'est vrai que il est évident que ça fait 400 millions d'années que les plantes se développent pas sans cette couche microbienne au contact desquelles sont leurs racines. On pense même que les racines sont apparues pour héberger davantage de champignons mycorhiziens. Même, d'un microbiote au sens large du terme, puisqu'il y a évidemment les bactéries. Ah, il y a les bactéries en surface. Virus, voilà. Et un enjeu aujourd'hui, effectivement, est d'utiliser ça pour finalement avoir moins recours à des pesticides, moins recours à des engrais. C'est pas fait parce que ça demande de nouveaux itinéraires techniques. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois les poudres de perlimpinpin proliférer dans le commerce. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, aujourd'hui, on peut acheter des champignons pour mycorhiser son potager et tout. Mais ce qu'on sait très bien, c'est que tous les couples ne marchent pas. On l'évoquait tout à l'heure. Tous les couples ne sont pas corrects sur n'importe quel type de sol. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux avant qu'on se précipite à vendre des champignons, qui parfois d'ailleurs ne sont même pas européens, donc qui sont de la graine d'espèces introduites qui va proliférer, potentiellement, c'est qu'on fasse naître cette agriculture à l'aide d'expériences, de circuits techniques et de production, bien raisonnés, bien testés, cette agriculture qui reposera sur effectivement le champignon et plus généralement le microbe pour aménager l'environnement d'une façon souhaitable et durable. La mycorhisation contrôlée. Alors, c'est-à-dire la maîtrise de l'association symbiotique mycorhizienne pour le bienfait de la foresterie ou de l'agroforesterie ou de l'agriculture, c'est un travail considérable. C'est-à-dire qu'il faut que chacun des couples soit étudié. Comme Marc-André le dit, il suffit pas de prendre un jeune chêne et d'y associer une truffe pour que ça marche. Il faut expérimenter dans des conditions les plus proches de l'écologie des systèmes pour pouvoir rencontrer un certain succès. Et je pense que pour chaque couple, c'est des années et des années d'expérimentation. Alors, la truffe, c'est un bel exemple. Ça marche, mais ça marche que dans un cas sur deux. Même si vous avez des beaux arbres bien inoculés par le champignon truffe, bien installés dans votre verger à truffe, suivis scrupuleusement et éventuellement irrigués, il n'y a aucune assurance que dans 5 ans ou dans 10 ans, vous récolterez des truffes, comme certains le disent sur les ondes. Pas sur les nôtres. Non, j'espère. Il y a des expériences aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées concrètement sur potentialités de revitalisation des sols via la mycorhisation et pas uniquement vers des recompositions finalement d'organisations complexes dans des sols qui ont été appauvris, trop traités, délavés par des années de pesticides. Nos collègues canadiens de l'Université de Québec, de l'Université de Laval ont un très très gros programme pour recoloniser les gisements de schiste bitumineux. bitumineux, où les sols ont été de façon catastrophique détériorés à l'extrême. Et il y a des donc pour extraire donc ces fameux des technosols, ces fameuses huiles bitumineuses. Voilà, et donc et maintenant les entreprises d'exploitation de ces schistes bitumineux ont l'obligation par la loi canadienne de recoloniser, de reboiser ces zones. Donc là, il faut reconstruire des sols. Et il y a des spécialistes de ces technosols. Et après, nos collègues de l'Université de Laval introduisent des arbres mycorhizés par un certain nombre de symbiotes qu'ils ont sélectionnés pour être particulièrement bien adaptés à ces conditions extrêmes. Oui, parce qu'on n'a pas eu, on n'en a pas parlé, mais les champignons, il y a certains champignons dont les propriétés sont extrêmement bien connues, extrêmement efficaces, notamment pour liser des hydrocarbures, pour réussir à nettoyer un peu ces sols, comme vient de le dire Francis Martin. Oui, alors effectivement, les champignons font partie de ces micro-organismes qui ont des arsenaux enzymatiques absolument extraordinairement diversifiés. Et effectivement, ils peuvent être très utiles quand on a des pollutions organiques des sols, notamment des hydrocarbures polycycliques, des choses comme ça. On peut essayer d'inoculer ces champignons qui vont détruire ces substances, soit parce qu'ils les détruisent pour s'en protéger, hein, c'est un mécanisme de protection, soit même parce qu'ils s'en nourrissent. Et donc, on peut effectivement en nettoyer certains sols. Mais là encore, il y a à boire et à manger dans ce qui est disponible dans le commerce. Il y a des poudres de perlimpinpin qui sont vendues par des compagnies qui font bien de la publicité, mais on ne sait pas très bien ce que ça donne. Et puis, il y a des travaux sérieux qui reviennent sur plusieurs années là-dessus. Le laboratoire de Francis avait, par exemple, à une époque, mis au point la mycorhisation de certains arbres implantés en terre agricole, des Douglas par exemple, qui permettaient d'offrir à ces arbres des champignons qu'ils n'avaient pas dans les anciens sols agricoles, et qui, moi je me souviens pendant ma thèse, on avait des chiffres qui traînaient de l'ordre de 60% de biomasse en plus à 10 ans. Il y a donc effectivement des parcours techniques à trouver, il y a de la recherche appliquée à faire pour vraiment valoriser un potentiel qui est potentiellement infini par rapport au sol. Le couplage phytoremédiation-mycorémédiation, c'est-à-dire utiliser des arbres comme le peuplier associés à des champignons comme le paxil, il y a nos collègues comme Michel Chalot à l'Université de Besançon qui travaillent sur ces aspects-là pour aller détoxiquer les régions particulièrement polluées par les métaux lourds. Ce sera le mot de la fin, puisque je suppose que, contrairement à ce que j'annonçais au début de l'émission, vous n'allez pas nous donner vos coins champignons. Et ce sont les secrets les mieux protégés de l'histoire de notre nation. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce règne si peu connu et pourtant si passionnant. Merci beaucoup Marc-André Sello. Je rappelle, hein, jamais seuls ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations, c'est aux éditions Actes Sud. Merci Francis Martin, vous c'est Sous la forêt, pour survivre il faut des alliés, aux éditions Humaine Science. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eleonore Pérez, Antoine Beauchamp, Noémie Aguette-Saint-Ville-France, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous irons ausculter non plus les sols ou les sous-bois, mais celles qui a longtemps été considérée comme la sœur jumelle de la Terre. Avant d'être délaissée pour l'exploration de Mars et pourtant elle est passionnante, nous nous intéresserons donc à Vénus demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.